Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledin. Un peu de chansons et d'accordéon, il est venu le temps du rêve. Place à la passion, teintée d'émotion, c'est un nouveau jour qui se lève. Des paillettes se sont mises à briller sur votre radio. Il est temps de danser maintenant. Chansons de toute la France donneront un air de vacances à la vie qui court toujours. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un événement spécial. C'est la 400e et je suis avec Arlette et Christophe. Bonjour. Bonjour. Ritournelle, refrains éternels. On s'amuse, on rit et l'on danse. Comme une aquarelle, la vie est si belle qu'on se dit qu'on a de la chance. C'est la danse qui vous donnera le la et le tempo. À présent, voici le show. Alors, qui dit 400e dit bien sûr plein de surprises dans cette émission Dansez maintenant. Arlette, est-ce que tu as la forme? Ah, mais formidable! Ah, bah si, c'est formidable, c'est cool. Moi, ça me va très bien. Et Christophe, est-ce que ça va bien? Eh bien, Hubert, je vais très bien. 400e émission, déjà. Je me souviens déjà de la première. Tu t'en souviens, toi? Ah, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Eh bien, dis donc, que le temps passe! Dansez maintenant! Dansez maintenant! Et puisque c'est la 400e, on va démarrer, si vous le voulez bien, mes amis, en chantant et jouant ensemble. Vous vous rappelez de Sim Melody? Oh, mais bien sûr! Eh bien, écoutez, là, c'est du live, carrément, avec Christophe à l'accordéon, Arlette au chant, et on va chanter le petit bal musette. Ça vous va? Ah, ben, allez, on écoute. Oui, oui. On est parti pour le petit bal musette. C'est formidable. Tout près d'ici, on a de la veine. Il y a des petits coins où l'on se promène. On met ses beaux atours, vos têtes chic, quand viennent les beaux jours. Et puis on ne peut jamais savoir ce qui se passera le soir. En se baladant, on trouve une guinguette. Ou dans la semaine, les routiers s'arrêtent. On y entend un orchestre poussif, un accordéon plaintif. C'est un petit bal musette, un gentil petit caboulot où dansent les midinettes chaque dimanche au bord de l'eau. Un vieux saxo nostalgique soupire encore une java, toujours sur cette musique. On tourne, on tourne un petit bas. On va réchauffer notre cœur et faire le plein de bonne humeur par ce petit bal musette. Gentil petit caboulot, un peu partout l'amour guette. On est si bien au bord de l'eau. Lorsque s'allument les lampes électriques, arrive en trombe une nuée de moustiques. Afin de les chasser, les garçons toujours empressés vous explorent des endroits charmants qui n'en demandaient pas tant. Sous la tonnelle, on voit la patronne. Sans mentir, une jolie personne qui, loin des yeux de son mari jaloux, au violon donne rendez-vous. C'est un petit bal musette, un gentil petit caboulot où dansent les midinettes chaque dimanche au bord de l'eau. Doucement le soir arrive, ils font rentrer à la maison et tout le long de la rive on va chanter une chanson. Ce petit bal musette, dans un très gentil caboulot, dans tous les coins l'amour guette, on est si bien au bord de l'eau. s'égare dans la nuit brune. C'est bon de rêver sous la lune. C'est un petit palmisette, un gentil petit caboulot. Et bien plus tard, on regrette les heures passées au bord de l'eau. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. L'univers d'Arlette est rempli de chansons françaises et je crois aujourd'hui que tu nous as concocté un très beau programme, Arlette. Ah ben je le crois aussi, figure-toi. J'ai pensé à Juliette Gréco. Oh, j'adore. Tu te souviens de Juliette Gréco ? Oh oui, j'adore Juliette Gréco. C'est une grande chanteuse des années 60 qui interprétait les chansons de Jacques Brel, de Léo Ferré, de Guy Béard et aussi de Serge Gainsbourg, qui n'était alors qu'un inconnu, mais qui... En 62, lui écrit « Accordéon ». Paroles et musique, bien sûr. Ah oui. On l'écoute. Accordéon, Juliette Gréco. Dieu que la vie est cruelle, aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-y qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre? C'est-il ou c'est moi, Menon? C'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc. L'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Ah, moi, c'est vrai que j'adore Juliette Gréco. Merci Arlette. On te retrouve dans quelques instants pour la suite, bien sûr, de tes rubriques, de ton univers, l'univers d'Arlette, bien sûr. On va parler maintenant accordéon avec Christophe et aujourd'hui, on va parler aussi de plusieurs accordéonistes. Le premier, moi, je pense que ça sera pas mal d'écouter un petit jeune qui va bien. Il s'appelle Christophe Pesset, justement. Oh, bah, Hubert, du don, mais quel plaisir. Alors, c'est vrai que ce morceau-là a été choisi avec brio, puisque c'est 400e émission, on a dit anniversaire, et bien figure-toi que c'est ce morceau, c'est la Marche des Copains Savoyards. Ah, la Marche des Copains Savoyards. Ouais, c'est une composition qu'on avait fait avec Fabrice Peluso, Jean-Michel Sonnera à l'occasion de voyages. Tu sais que chaque année, on fait des voyages au son de l'accordéon. Oui. Et on avait fait une belle escapade en Espagne, c'était à Lloret del Mar. Je me souviens, il y avait 5 cars. C'était quelque chose d'incroyable et on s'était dit, bah tiens, on va faire un morceau dédié à cette belle escapade à Lloret del Mar, sous le soleil en plus, comme tu le sais, c'est ces voyages où vraiment c'est très sympathique. Ah bah ça, j'en sais quelque chose. On avait fait, eh bien, la Marche des Copains Savoyards. C'était un petit peu un hymne, eh bien, à la gaieté, au copinage et puis, eh bien, à tout ce qu'on pouvait vivre dans ces beaux voyages. Alors, au son de l'accordéon. Vous aviez composé cette chanson avant votre voyage ou en revenant de ce voyage? Non, alors c'était, on avait devancé un petit peu, hein, puisque on savait que tout allait bien se passer. Donc c'était un petit peu l'hymne du voyage qu'on avait pu chanter tout au long et bien de cette belle escapade. Et donc tu l'as mis bien sûr sur un CD, cette marche des copains savoyards. Oui, oui, oui. Alors lequel, je ne sais pas, mais ça je peux te faire confiance pour le savoir. Il me semble que ça devait être Mon petit bal savoyard. Exactement, un des volumes, je ne sais plus lequel. Mais alors, non pas que j'ai fait beaucoup d'albums, mais je crois que c'était là. Allez, on l'écoute tout de suite. C'est bon. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Ça va vous rappeler quelque chose. C'est un morceau qu'on a joué ensemble, ça s'appelle Joli Buget. Voici la version originale, Louis Bert. Thank you. Sorgia FM. Écoutez, il n'y a pas de mal à se faire du bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va écouter un petit tendance si vous êtes d'accord, les amis. Oh, bon, ah, mais avec sûr. Plaisir. Alors voici Éric Colomb, votre serviteur Hubert Ledan, pour ce morceau interprété par l'orchestre Tendance. Ça s'appelle Une fleur, rien qu'une rose. Allez, on écoute. Près de moi, et ton amour me glisse entre les doigts. Sauras-tu te souvenir de nos serments d'avenir et puis mourir d'aimer? L'amour que j'ai pour toi, une fleur rien qu'une rose, une fleur rien qu'une rose. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Alors, il paraît qu'on valse partout, même au village, Arlette. Oui, bien sûr, dans tous les villages de France. Et au son de l'accordéon, bien sûr. Mais moi, je voudrais te parler d'une chanson qui s'appelle « La valse au village » et qui a été écrite par Jean Sablon. Et c'était en 1939, tu vois que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ah oui. Et c'est vraiment une très, très jolie valse qui est reprise de temps en temps par les orchestres d'aujourd'hui. Ah. Alors, c'est chanté par Jean Sablon, on l'écoute. Et on est en 1939. Et on vous rappelle que c'est la 400e aujourd'hui. On fait ça ensemble pour votre émission Dansez maintenant. Jean Sablon. D'un bon vieux manège tourne le cortège sur l'air plaintif, d'un orgue qui traîne la même rengaine d'un ton poussif. La fête aujourd'hui met du soleil dans le pays, dans chaque logis le bonheur chante et l'amour sourit. L'oiseau qui se penche tourne autour des branches dans le ciel bleu. Le coq de l'église tourne sous l'emprise du vent joyeux. Le bal sous la tente commence déjà. Un couple s'élance en se parlant tout bas. Un autre s'avance à petits pas. Et je sens léger sur mon bras, ton bras. Venez, venez, chantez, chantez, tournez, tournez, valsez, valsez. Rêve de plaisir au bal du désir. Bercez, bercez, grisez, grisez, versez, versez, versez léger. Soupirs et baisers aux cœurs enivrés. Cette robe blanche par un beau dimanche tournant, tournant. Ce bras qui la foule se fend sur l'épaule, ses cœurs battants. Dans la même ivresse d'un rêve un peu fou, dans cette humble fête au décor simple et doux, gardons en l'image au fond de nous, souvenir trop court d'un beau jour d'amour. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Alors pour cette 400e, Christophe, tu nous présentes la crème de la crème. Eh bien oui, mon ami Marcel Azola, tu sais, accompagnateur de tellement d'artistes. On se souvient de Barbara, d'Edith Piaf, de bien sûr de Jacques Brel, mais aussi de Florent Pagny. Ça, je ne sais pas si tu le savais. Non, je ne savais pas ça. Eh bien là, ici, je ne sais pas qui est-ce qui l'accompagne. Figure-toi que bien, c'est une très belle voix espagnole, Aimi Sombrero. J'adore ce paso doble. On reconnaît tout de suite eh bien, le jeu de Marcel Azola. On l'écoute maintenant. Negra tinta pelo negro, como el día que ya morena. Que con achar y díselo dejó sin sangre mis venas. En sus alas hay temblores de mocita sin fortuna. Que lloran pena y amores, que lloran pena y amores bajo la luz de la luna. Rumbo turero, cuando te llevo a los toros, te quiero porque tus alas, sombrero de mi querer, conserva, borda con gracia el beso de una mujer. sombrero e de mi querer. Conserva, borda con gracia el beso de una mujer. La question qui se pose, Gérard, est-ce que tu aimes la trompette? Non. Comment non? Oui, oui, oui. Ah bon, ça me rassure. On va écouter ce petit morceau italien, ça s'appelle Monte Camino. Restons dans l'univers d'Arlette. Plaisir. Ah. Et nous allons parler maintenant d'un joli tango écrit en 1937 par Louis Potera et Dino Olivieri. Ce tango est chanté à l'époque par Rina Ketty. Alors tu vois que c'est encore pas d'aujourd'hui, hein, mes chansons. C'était hier, mais alors elles sont tellement belles et je crois qu'elles vont faire plaisir à nos anciens. Il s'agit de l'adaptation française d'une chanson italienne écrite par Nino Rastelli. Ce grand succès fut repris quelques mois plus tard par Tino Rossi, Jean Sablon encore, et bien d'autres. Et c'est Bernard Marly et son orchestre qui nous le présente aujourd'hui. J'attendrai. Ça tombe bien pour une 400e, j'attendais justement ça. Les fleurs pâlissent, le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très lents. Je crois entendre ton pas, le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain. Hélas, plus rien ne vient. Le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe et court en battant tristement dans mon cœur plus lourd. Et pourtant j'attendrai ton retour. Reviens bien vite, les jours sont froids et sans limite, les nuits sans toi. Quand on se quitte, on oublie tout, mais revenir est si doux. Si ma tristesse peut t'émouvoir avec tendresse, reviens un soir et dans tes bras tout renaîtra. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli. Dans mon cœur plus lourd, et pourtant j'attendrai ton retour. J'attendrai ton retour. Et pourtant, j'attendrai ton retour. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia. Vous connaissez peut-être ce tango ou peut-être pas. Je pense que vous ne connaissez pas vraiment. Il s'agit de Lucien Auguste. Est-ce que vous connaissez, les amis ? Je l'ai bien connu, Lucien Auguste. Tu connaissais Lucien Auguste ? Oui, c'était le frère à Joseph. Joseph Auguste, d'accord. Bon, bah écoute, là, par contre, tu me l'apprends. Je ne connaissais pas Joseph Auguste. Mais Lucien Auguste a interprété ce tango, ça s'appelle « Pouvoir te dire je t'aime ». C'est juste magnifique. Ça, si c'est pas de la déclaration... Ah bah oui. Je t'aime, pouvoir t'aimer quand même, te serrer contre moi très fort, que nous ne formions qu'un seul corps, pouvoir garder quand même le souvenir suprême, le goût de tes baisers que tu sais me donner, qui me font tant rêver. Tango chante dans la nuit, je t'invite et tu me souris, instant suprême. Et ce chanteur qui sait toujours chanter si bien, chanter l'amour nous ouvre des instants de rêve. La magie de l'accordéon et les sanglots des violons nous plongent dans la joie, dans l'ivresse. Si tu veux bien toujours, toujours dans mes bras danser ce tango d'amour, pouvoir te dire je t'aime, pouvoir t'aimer quand même, te serrer contre moi très fort, que nous ne formions qu'un seul corps, pouvoir garder quand même le souvenir suprême, le goût de tes baisers que tu sais me donner, qui me font tant rêver. Ce tango a fait cette nuit un vrai miracle, tour de magie. Je rêve peut-être, mon cœur sans doute t'attendait, à lui tu étais destiné de tout ton être. Sous l'œil complice des musiciens, parlons de tout et de rien pour masquer notre fièvre. Nous ferons, si tu le veux bien, ensemble un immense chemin. Pouvoir te dire je t'aime, pouvoir t'aimer quand même, te serrer contre moi très fort, que nous ne formions qu'un seul corps, pouvoir garder quand même le souvenir suprême, le goût de tes baisers que tu sais me donner, qui me font en rêver. Ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est que les femmes sont aussi à l'honneur, grâce à Christophe justement. Oh bah alors là t'es gentil Hubert, et j'aimerais te présenter eh bien Karen Neuville. C'est une jeune fille, elle vient d'avoir 18 ans, elle arrive du Jura. Elle va vous interpréter un morceau mis à l'honneur par Mélanie Hoesch, que tu connais. Mélanie Hoesch, bien sûr, j'adore. Qui fait partie de Hoesch Dendriton, on en reparlera bien sûr très prochainement. Oh oui. Et ce morceau s'appelle Coucou Yodel. C'est un petit peu le Yodel revisité, version très moderne, on y va. dans cette émission, on voulait aussi mettre les copains à l'honneur. Voici Jérôme Robert qui nous parle de Saint-Malo. Et on joue du violon. Saint-Malo dans les remparts, Saint-Malo et dans les bars, Saint-Malo et dans le noir pour les marins et pour un soir. L'odeur du siècle et des pavés, l'odeur des rues pour les tendus se retrouve à Saint-Malo pour être traîné pour bientôt. Oh, Saint-Malo, oh, Saint-Malo. Il y a forteresse dans la tourmente de l'ivresse. Sous la houle d'une marée, des bras tendus se prostituer. Il y a une houle, une bâtisse, un vieux marié s'agit. Les jours entiers sont dans la brume, dans les vieux ports devant la lune. Oh, Saint-Malo. Dans le passé, vu et fier, les yeux rivés sur le grenage, à l'occasion tourner la page, les marins perdant le bras, soumis aux ruisses et les larmes, on a la voix d'une autre idée, s'enivrer pour mieux chanter. Oh, Saint-Malo, oh, Saint-Malo. Christophe, on continue avec les copains. Après Jérôme Robert et son Saint-Malo, voici un garçon qu'on connaît bien. Hein. Oui, oui, Éric Bouvel, champion du monde de l'accordéon, un palmarès incroyable. Là, il va vous interpréter un grand classique de l'accordéon, Plaisance Fox. Et puis joué par Éric Bouvel, je peux vous dire que... Ça donne. Oui, ça va. We'll be right back.

égaré, presque ignoré. Voici, dans la nuit étoilée, qu'un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme. Il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, sonne. Sa voix d'écho en écho. Dit au monde qui s'étonne. C'est pour Jean-François Nico. Village au fond de la vallée. Loin des chemins, loin des humains. Voici qu'après 19 années, cœur en émoi, le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour ils se sont mariés. Toutes les cloches sonnent, sonnent. Leur voix d'écho en écho. Merveilleusement couronne la noce à François Nico. Voici, quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Épis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, tout va se desséchant. Une cloche sonne, sonne. Elle chante dans le vent, obsédante et monotone. Elle redit aux vivants: tremblez pas, cœur fidèle, Dieu vous fera signe un jour. Vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour. Là. Alors les amis, on n'a pas vu le temps passer, mais c'est déjà le dernier titre de cette émission. Et moi, je vous propose qu'on termine ensemble cette 400e, si vous êtes d'accord, les amis. Eh bien, on pourrait jouer ensemble. Oh oui, mais pourquoi pas. Non, ça vous dit? Ah oui, on va jouer ensemble. On pourrait faire un petit voyage à... À Corfou. C'est ça, hein? Bah oui, à Corfou. Oh, allez, on y va. Allez, c'est parti. Pour cette 400e édition, eh bien, on ne se refuse rien. Direction Corfou, les roses blanches de Corfou. Et juste avant, on va dire merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Au revoir à tous. Rose blanche de Corfou. Rose blanche, rose blanche. Chaque nuit, je pense à vous.